إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب خير إن شاء الله. Donc on va commencer le cours aujourd'hui, c'est le cours numéro 9. Et on est arrivé donc dans, on est toujours dans le chapitre qu'on a commencé au dernier cours. Et c'est à propos de Dukhul al-Khala wal-Istitaba. Toujours dans Kitab al-Tahara, mais Bab Dukhul al-Khala wal-Istitaba. C'est-à-dire dans le chapitre de la purification. Yani la section qui parle des manières, comment on fait nos besoins, comment on va aux toilettes et comment on se nettoie et comment on se purifie. Donc tout ça c'est des choses qui ont été enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous montre en même temps la grandeur de l'islam et la globalité de l'islam, du fait que dans l'islam il y a des règles qui nous enseignent toutes les manières et tous les aspects de la vie. Et si vous regardez par exemple en comparaison avec les koufars par exemple, qu'est-ce que eux ont par exemple comme règles par rapport à ce genre de choses, eh bien vous voyez que il y a un étant donné qu'ils n'ont pas eu cette guidance de l'islam par rapport à ces choses-là, eh bien ils ont des manquements et des défaillances graves. Sur le plan de la propreté et sur le plan de la purification. Et il y a le cheikh Mohammed bin Ramzan qui avait donné un exemple une fois, qui avait dit qu'une femme chrétienne ou une femme qui n'était pas musulmane, qui travaillait dans un truc de nettoyage, il a dit je reconnais les vêtements. Je reconnais les sous-vêtements des musulmans et des non-musulmans. J'arrive à distinguer les sous-vêtements des musulmans et des non-musulmans par la propreté des sous-vêtements des musulmans par opposition à ceux des non-musulmans, puisque la manière dont ils se nettoient parfois, ça permet pas de justement purifier comme il faut. Donc il reste toujours des traces, malheureusement, d'impureté et de saleté sur leurs vêtements. Tandis que ceux des musulmans, en général, c'est toujours propre. Donc, un juif qui était venu voir Salman al-Farisi, il lui a dit, pour se moquer de lui, il lui a dit, vous, votre prophète, il vous enseigne tout, même comment aller aux toilettes. Hatta al-khara'a. Il a dit, même comment aller aux toilettes, il vous apprend ça. Et Salman al-Farisi, répondant à cette moquerie d'une manière sérieuse, et pour lui montrer en même temps que oui, il est fier de ça, et il lui dit, oui, effectivement, il nous a appris, lorsqu'on va faire nos besoins, que il lui a expliqué certaines règles. Si je me souviens bien, il lui a dit qu'on doit utiliser un tel nombre de pierres, et qu'on ne doit pas se tourner vers la Qibla ou faire dos à la Qibla. Et il lui a mentionné quelques autres règles. Et donc c'est pour dire que Salman al-Farisi a répondu à ce sujet-là, même à un non-musulman, d'une façon claire, d'une façon sérieuse et d'une façon pour montrer que ses moqueries et ses sarcasmes ne l'atteignaient pas en fait. Et qu'il n'a pas pris ça avec gêne ou embarras, au contraire, il a été fier de ça et il lui a répondu clairement. C'est la preuve aussi qu'on a le droit de parler à un non-musulman des règles de l'islam, hein, même si ce n'est pas nécessairement relié au tawhid ou aux bases de la religion, mais qu'on peut aussi quand même leur expliquer certaines règles de la religion qui montrent la beauté de l'islam. Hein. Ayant dit ça, maintenant on va continuer avec le hadith 14, qui est le hadith... le hadith 14 qui est le hadith suivant en arabe عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء رواه البخاري ومسلم والعنزة الحربة الصغيرة. Donc, qu'est-ce qu'il rapporte ici le cheikh? Il rapporte un hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que, ou bien plutôt Anas ibn Malik rapporte et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans al-khala, c'est-à-dire les endroits, les toilettes comme on dit, ou bien les endroits où on faisait nos besoins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire ses besoins et il dit que, parce que Anas était un servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il était parmi ceux qui servaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il portait l'eau alors qu'il était à l'époque un jeune garçon, hein. C'était un jeune garçon. Donc il portait de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un autre enfant de son âge. Et il portait cette eau-là dans un contenant et il portait également une lance, une petite lance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait l'eau pour se purifier avec, quand il avait terminé de faire ses besoins. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le terme qui est employé pour dire la lance ou la petite lance, c'est Al-Anaza. C'est une petite lance et on va expliquer qu'est-ce qu'il faisait par la suite avec cette lance. Pourquoi il apportait une lance lorsqu'il allait faire ses besoins. Selon vous, qu'est-ce qu'il faisait avec cette lance? Allez. Non, il ne chassait pas ceux qui le regardent, mais il l'utilisait pour ça, dans ce sens-là, tu vas voir. Donc le cheikh explique Gharib al-Hadith, il dit les termes qui sont rares ou rarement employés dans ce hadith. Wa ghulamun nahwi, qu'est-ce que ça veut dire ghulamun nahwi? Le cheikh il dit al-ghulam huwa al-mumayyizu hatta yablur. Donc al-ghulam, le terme ghulam, ça veut dire un jeune garçon qui n'a pas encore l'âge de la puberté, mais qui a atteint l'âge de distinguer entre les choses ou de discerner les choses. Ok? Donc l'enfant, par exemple, avant la puberté, qui commence à comprendre des choses, qui sait distinguer entre les choses, on l'appelle en arabe roulam. Et il dit donc, j'étais avec un autre garçon. Nahwi, c'est-à-dire, يعني هو هو مقارب لي في السن. C'est-à-dire, il a un âge qui est rapproché du mien. Deuxième point, idawatan min ma, بكسر الهمزة, وهي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء. Donc, idawatan min ma, c'est-à-dire, c'est un contenant dans lequel on met de l'eau et c'est fait avec du cuir ou de la peau d'animaux. Donc c'est comme en fait une gourde, on appelle ça en français une gourde, on met de l'eau dedans, Oui, naam, il y a des... Exactement. Et c'est quelque chose qu'on voit, qu'on voyait souvent quand j'étais petit, dans le désert, avec les chameaux, les gens ramenaient de l'eau avec une, dans une gourde. Et puis ils buvaient de ça. Donc ça c'est yani al-idawa mimma. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Al-anaza. Al-anaza c'est asa aqsaru min ar-rumhi wa laha sinan. Donc al-anaza c'est comme une petite lance. C'est comme un bâton avec un pic, un bout en métal au bout qui peut se planter yani. Et le sens général du hadith, يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهور الذي يقطع به الأذى وهو ماء في جلد صغير وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين. Donc le cheikh il explique le sens général de ce hadith, c'est que le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il explique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait à l'endroit pour faire ses besoins, ou lorsqu'il allait faire ses besoins, parfois il allait avec un autre garçon, c'est-à-dire Anas ibn Malik allait avec un autre garçon comme lui, avec de l'eau par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam se purifiait, c'est-à-dire c'est le jeune garçon transportait cette eau-là avec lui, puis donc il l'amenait dans ce contenant, dans cette gourde. Puis les deux enfants ramenaient avec eux quelque chose par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait se couvrir ou se cacher pour que les gens qui passent ne le voient pas, hein, pendant qu'il fait ses besoins. Donc c'est pour ça qu'ils amenaient al-anaza, le bâton, la petite lance, hein, parce qu'il plantait la lance. Puis il mettait par-dessus un morceau de un tissu, puis il se couvrait donc avec ça, pour que les gens qui passent, ils ne vont pas le voir en train de faire ses besoins. D'accord ? Donc c'est à ça que sert le bâton. Et il dit, « Ma yukhazu min al-hadith ». Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là ? Il y a quatre choses qui sont mentionnées par le cheikh ici. Le point numéro 1, جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء وهو افضل من الاقتصار على الحجاره لان الماء انقى والافضل الجمع بين الحجاره والماء فيقدم الحجاره ثم يتبعها الماء او يتبعها الماء ليحصل الانقاء الكامل. Donc le cheikh il dit que ce hadith là nous indique qu'il est permis dans le fait de se nettoyer quand on finit de faire nos besoins, qu'il est permis de se limiter à utiliser de l'eau. Si tu as de l'eau et que tu nettoies avec de l'eau, ça suffit. Et que c'est mieux que de le faire avec des pierres seulement. Parce que ça nettoie mieux et ça purifie mieux. C'est-à-dire que l'eau, il dit le cheikh que ça purifie mieux que les pierres, et que c'est le meilleur encore, c'est de réunir entre la pierre et l'eau, c'est-à-dire de faire les deux ensemble. Donc tu débutes avec la pierre, et après tu fais suivre cela par de l'eau. Puis là, c'est là que la purification complète est obtenue, que tu arrives à te purifier de façon complète. قال النووي فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة. فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فإن الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل من الحجارة فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجارة من الحجر. Donc le cheikh explique que l'imam al-Nawawi, il dit que celui que ce, la position sur laquelle se tient un groupe d'entre les salafs et les khalafs, c'est-à-dire un groupe d'entre les salafs, les premiers savants, et les khalafs, c'est-à-dire les savants qui sont venus plus tard dans l'histoire, eh bien c'est que, et également c'est la position que les gens de la fatwa et les imams des différentes villes ont considéré comme étant le consensus parmi eux, c'est que le mieux pour se laver ou se purifier quand on fait nos besoins, c'est de rassembler les deux, l'eau et les pierres. Et à notre époque, bon, si on n'a pas, on utilise le papier hygiénique, eh bien ça remplace les pierres. Donc d'utiliser le papier et l'eau. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux selon qu'est-ce que l'imam al-Nawawi rapporte d'un groupe des salafs et des khalafs et que les savants des différentes régions du monde musulman se sont mis d'accord là-dessus, que c'est mieux de faire l'eau et la pierre et d'utiliser la pierre en premier pour diminuer l'impureté et pour ne pas justement avoir à la toucher avec la main, puis ensuite d'utiliser l'eau. Les lingettes humides là, oui. C'est aussi possible d'utiliser ça, sauf que je me demande, est-ce que c'est pas, il y en a plus cher d'utiliser ça. Tu veux dire des endroits publics, dans les places publiques, oui. Ouais, ben si tu peux t'acheter un paquet de lingettes humides et que tu les mets dans ton sac, où tu les mets dans tes affaires lorsque tu es obligé d'aller dans une toilette publique à ton travail ou quelque part et puis tu sais que tu ne pourras pas avoir accès à de l'eau, donc dans ce cas-là tu veux te purifier avec les lingettes en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais comme le cheikh il explique, il dit après que tu as le droit d'utiliser uniquement un des deux. C'est permis. C'est-à-dire, tu peux utiliser que les pierres ou le papier seulement, sans utiliser l'eau, ou tu peux utiliser l'eau seulement, sans utiliser les pierres. Les deux, si tu le fais, c'est l'un et l'autre, c'est valable. Donc, si tu trouves que l'un, si tu trouves que les pierres ou que le papier, tu utilises que le papier. Tu n'as pas besoin de mettre de l'eau. Et si tu trouves que de l'eau, tu n'as pas besoin d'utiliser le papier. Mais si tu trouves les deux et que tu désires faire qu'est-ce qui est mieux, ben tu peux utiliser les deux ensemble, ça c'est mieux. Mais tu peux aussi faire que l'un ou l'autre. Donc si tu es dans un endroit public, t'as pas d'eau et que tu veux aller faire tes besoins, tu peux te limiter juste à utiliser le papier seulement, puis ça suffit. T'as pas besoin d'utiliser des lingettes humides si tu veux pas ou si tu en as pas. Mais si tu veux être plus propre et que tu veux te sentir mieux et que tu as envie de te purifier plus et que tu n'as pas d'eau avec toi, tu prends des lingettes humides comme tu dis, ça nettoie mieux encore que ça nettoie mieux que le papier hygiénique, parce que le papier hygiénique c'est sec et puis des fois ça peut laisser des traces ou des même des débris ou des restants de papier, tandis que les lingettes humides en général non, c'est pas le cas, et puis ça étant donné que c'est mouillé, ça enlève plus l'impureté et des fois même ça garde même un parfum dessus, donc ça donne même une bonne odeur. Je sais pas, les femmes elles appellent ça pour nettoyer les bébés, j'utilise ça Hein? Elles utilisent ça pour nettoyer les bébés lorsqu'ils font leur couche, dans leur couche là. Donc après, quand les bébés ont fait ça, ils utilisent les lingettes humides. Donc c'est comme ça qu'on les appelle. Mais je ne sais pas si c'est ça le vrai nom là. En tout cas, ici au Canada, à l'intérieur des chambres de toilettes, il y a souvent un robinet avec de l'eau à l'intérieur. Même il y a un bain dans la plupart des toilettes ici au Canada. Aux États-Unis, c'est la même chose. Tandis qu'en Europe, si tu vas en Europe, tu vas trouver que le cabinet de toilette est séparé de la salle de bain. Et que c'est deux choses séparées, oui. Donc si tu vas dans le cabinet de toilette, tu ne trouves pas d'eau. Il faut prendre l'eau de l'autre côté en premier pour ramener ça à l'autre côté. Donc, des fois, ça, c'est ça. C'est, si tu es pas habitué, c'est compliqué des fois, tu vois. Donc, comme le cheikh il dit, tu peux utiliser les deux, ça c'est le mieux. Mais si tu peux pas utiliser les deux, ou bien si tu veux te limiter juste à un ou l'autre, tu utilises seulement un des deux, et puis c'est valable aussi. D'accord? Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, le deuxième point, qui est parmi les points bénéfiques de ce hadith, « Isti'adadu al-muslim bi-tahurihi inda qada'i al-haja li'alla yuhwijahu ila al-qiyami fayatalawas. » Ça, c'est un point important. C'est que le cheikh, il dit que dans ce hadith, on peut comprendre que le musulman, il doit préparer l'eau dont il a besoin pour se purifier lorsqu'il veut faire ses besoins. C'est-à-dire, avant d'aller faire ses besoins, il vient avec l'eau qu'il a besoin pour se nettoyer. Pour pas qu'il ait besoin de se lever de la place où il est, puis en se levant, il commence à se salir encore plus. D'accord? Donc, c'est-à-dire de préparer ce que tu as besoin pour te purifier avant d'aller faire tes besoins. نعم. Ensuite, يعني تحفظه. Le point numéro 3, تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورة محرم فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit qu'on peut tirer de ce hadith également que le musulman, lorsqu'il va faire ses besoins, il doit se préserver lui-même du regard des gens. Et pourquoi? Parce que le fait de voir les parties privées de quelqu'un, ça c'est quelque chose qui est haram. Hein? À part, il y a un homme qui va voir les parties intimes de sa femme, ou une femme qui va voir les parties intimes de son mari, ça c'est permis. Mais pour quelqu'un qui il peut pas, et quelqu'un n'a pas le droit de voir la aura, c'est-à-dire les parties intimes d'une autre personne. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il plantait cette lance, cette petite lance qu'il avait ramenée, il la plante dans le sol, et il met un tissu par-dessus, puis il se couvre avec. Il fait comme une petite tente. Hein? Il plante le bâton, puis il met un tissu comme ça par-dessus lui. Quand il s'accroupit pour faire ses besoins, eh bien, il se couvre avec. Comme ça, personne ne peut le regarder, personne ne peut le voir. Donc ça, c'est une bonne méthode, une bonne technique, puisque à l'époque, dans ces temps-là, il n'y avait pas nécessairement des toilettes fixes à cet endroit-là. Et s'il y a des toilettes fixes, dans ce cas-là, c'est le problème est réglé. جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. Ouais. Mais c'est comme en Arabie Saoudite, par exemple, la plupart des endroits publics, il y a les toilettes. Il y a les deux styles de toilettes, les toilettes turques, qu'on appelle. Les toilettes turques, c'est comme un genre de truc par terre, dans le sol, avec un trou. puis tu dois t'accroupir pour faire tes besoins. Tandis que, ouais, et il y a aussi les styles de toilettes européens, là, style tu t'assois, oui, c'est ça. Puis il y a un cheikh qui disait que, comme j'ai entendu un cheikh une fois, il a dit c'est bien pour les personnes âgées et les vieux, c'est plus pratique pour eux, la chaise, de s'asseoir dessus, là, les toilettes européennes, parce que si quelqu'un il est fatigué dans ses jambes, ou il a mal, tu vois, ou des choses comme ça, il est faible, il ne peut pas s'accroupir facilement, ça le fatigue, donc c'est plus reposant d'utiliser les toilettes européennes ou autres. Donc c'est juste pour dire, les gens, selon leur état ou leur habitude aussi, ça peut être plus facile pour eux d'utiliser l'un ou l'autre. Non. Donc le cheikh il dit ensuite وَتَحَفُظُهُ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. Donc ça on l'a lu. Ensuite le point numéro 4, جَوَازُ اسْتِخْدَامَ الصِّغَارِ وَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 4 que c'est permis de prendre le service des enfants pour faire quelque chose, hein, de demander aux enfants de nous aider, même s'ils sont libres, c'est-à-dire même si ce n'est pas des esclaves, ils peuvent, hein, on peut les utiliser pour faire un travail ou faire quelque chose pour nous rendre service, hein. Ça c'est pas interdit. Donc cheikh il dit ensuite, comme il cite un autre hadith ensuite, le hadith numéro 15, عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء رواه البخاري ومسلم. C'est le hadith qui est rapporté selon Qatada ibn al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne tienne pas ses parties avec sa main droite lorsqu'il urine, et qu'il ne s'essuie pas lorsqu'il est dans la toilette avec sa, lorsqu'il a fini de faire ses besoins, qu'il ne s'essuie pas ou ne se nettoie pas avec sa main droite, et qu'il ne respire pas dans le verre. Dès quand tu bois, tu ne respires pas dans le verre. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est trois points qui sont mentionnés dans ce hadith, trois règles. Le premier, le cheikh il explique en premier le sens général du hadith. المعنى الإجمالي للحديث يشمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض. Donc le cheikh il explique que ce hadith, ce noble hadith, est composé de trois phrases. Et dans ces trois phrases, il y a des conseils très précieux, hein, et des choses très bénéfiques qui éduquent la personne et qui l'éloignent des saletés, des choses nuisibles pour lui et des maladies. Le troisième, c'est de ne pas respirer dans le contenant lorsque tu bois. Donc le cheikh il explique, il dit فالأولى والثانية أن لا يمس ذكره حال بوله ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب فإذا باشرت النجاسات وتلوثت وباشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية. Donc le cheikh il dit que les deux premières phrases sont des règles suivantes. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il va uriner, il ne doit pas tenir ses parties intimes avec sa main droite lorsqu'il est en train d'uriner. Et lorsqu'il veut s'essuyer après avoir terminé de faire ses besoins, que ce soit essuyer le devant ou derrière, eh bien, il ne doit pas le faire avec sa main droite. Il doit se nettoyer et s'essuyer avec sa main qui est gauche, la main gauche. Pourquoi ? Parce que la main droite, elle a été préparée pour les bonnes choses et toucher aux choses qui sont désirables et qui sont bonnes, comme la nourriture et comme le fait de les choses qu'on boit, les choses qu'on mange. Et si après ça tu touches à des choses impures et que tu te nettoies en même temps après avec ta main droite en même temps, eh bien si tu touches après à de la nourriture et que tu serres la main des gens lorsque tu les rencontres, eh bien c'est quelque chose qui devient détestable, hein, quelque chose qui devient comme un peu repoussant, tu vois, tu vas pas aimer ça. Et donc ça pourrait même porter quelques maladies aussi. Donc à cause de ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire. Et surtout lorsque des gens on mange avec la main, hein, parce que on sait que les koufars maintenant ils mangent avec les ustensiles, même si c'est pas interdit de manger avec les ustensiles, c'est permis, mais c'est juste pour dire que dans beaucoup de pays, et même ici encore, on a l'habitude parfois de manger certaines nourritures avec la main. Donc, si tu fais tes besoins et que tu t'essuies avec une main et que tu manges avec la même main, ça fait pas quelque chose de très bon, hein. Ça fait pas quelque chose de très appétissant. Donc, dans l'islam, il y a des règles. Il y a une main pour certaines choses, puis l'autre main pour d'autres choses. Et donc, ça nous montre qu'on a une discipline, qu'on a une façon de faire les choses. Non. Mais je sais que il y en a qui mangent le couscous, qui mangent le riz avec la main, qui mangent les choses. Moi, il y a des nourritures. Peu importe. Ouais. Oui, non, ils savent pas pourquoi. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a interdit de manger avec la main gauche et de boire avec la main gauche. Il a dit, en fait, que ça, c'est le shaitan qui fait ça. Hein? Et il a dit à un sahab, il a dit, mange avec ta main droite. Il a dit, je peux pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu ne seras pas capable. Et après, donc, sa main est devenue paralysée, il ne pouvait plus bouger. Tu vois? Non. Donc c'est par fierté, par arrogance, par orgueil qu'il a refusé de manger avec la main droite. C'est pour ça. C'est-à-dire que après que les gens sortent des toilettes, ok, ouais. Donc, mais ça, en fait, ça arrive souvent dans plusieurs mosquées. Tu veux dire les pains de savon? Ça c'est pas tellement bon. Le mieux, ce serait qu'il y ait un savon liquide que tu utilises, comme ça, ça nettoie mieux. Ouais, non, je comprends. Non, c'est vrai, ça peut tenir même des germes ou des bactéries. Mais c'est parce que surtout aussi maintenant, dans certaines mosquées, ils font pas beaucoup attention à l'hygiène puis à la propreté, d'après moi, ou bien pas suffisamment. Des fois même ils devraient désinfecter souvent les toilettes plus souvent que c'est le cas, parce que on sait jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces endroits là puis il y a beaucoup de saleté, des bactéries, des germes. Donc c'est important de les désinfecter régulièrement. Et moi franchement, si je devais dessiner un plan idéal de toilettes dans les mosquées, j'aurais dessiné comme j'en ai vu dans certains endroits, des toilettes qui sont vraiment bien faites, yani pour respecter les règles de l'islam puis pour se purifier bien comme il faut. Mais sinon, c'est pas, tu trouves pas, il y a des mosquées, ils ont fait des toilettes tellement étroites, tellement serrées, on peut même pas bouger à l'intérieur, on peut rien faire. Ah, donc c'est pour ça que je dis, il faudrait redessiner ça là. Et mettre peut-être même des, comme tu dis là, les pains de savon, ça c'est pas bon. Il faudrait mettre des savons liquides. Ouais, c'est, ça se peut, mais il faut parler avec les responsables puis leur donner le conseil à ce sujet-là pour qu'ils puissent adapter ça ou ajuster ça parce que c'est pas bon. Bon, le point numéro 3, le cheikh il dit wa-thalitha, c'est quoi la troisième phrase dans le hadith? النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشرب أو تكريهه للشارب بعده كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا. Donc le cheikh il dit que la troisième phrase, c'est d'interdire à quelqu'un qui boit de respirer dans le verre ou dans le contenant qu'il boit, dans lequel il boit. Parce qu'il y a dans ça de nombreuses choses nuisibles et qui peut faire en sorte que si quelqu'un va boire après lui, la personne sera dégoûtée de boire parce qu'elle a respiré dans le verre. Et c'est possible que lorsqu'elle boit dans le verre puis qu'elle respire dedans, il y a des choses qui sortent de son nez ou qui coulent de son nez, qui tombent dans l'eau ou dans le jus ou quoi, et que à cause de ça, eh ben la personne attrape la grippe ou attrape une autre maladie, hein, ça se transmet comme ça. Et il dit le cheikh ensuite, il dit wa qad yahsulu min at-tanaffusi hal ash-shurbi darar 'ala ash-shal hinama yadkhulu an-nafas الماء ويخرج منه. Donc c'est ça. Il dit que également c'est possible que la personne qui boit dans le verre et qui respire dans le verre en même temps, que elle-même soit atteinte de mal lorsque son souffle entre dans l'eau et sort de lui. Donc c'est possible que ça lui cause du tort à lui aussi. Il dit وَالشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحِ وَلَا يَنْهَا إِلَّا عَمَّا فِيهِ الضَّرَرُ وَالْفَسَادِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne que ce qui est bon et qu'est-ce qui a un bien dedans, et il n'interdit rien excepté que c'est mauvais et que ça ramène du mal ou de la corruption. En ce qui concerne cette question, il y a eu une divergence entre les ulama, à savoir, est-ce que c'est pour l'interdiction ou pour dire que c'est quelque chose qui est déconseillé ou détestable? Est-ce que, en d'autres mots, est-ce que c'est haram ou makruh? اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية. Donc la position des Zahiriyya, c'est que c'est haram. Al-Zahiriyya, c'est un madhhab qui ne prend pas en considération le qiyas. Toutes les formes d'analogie, eux, ils le rejettent. Ou bien ils s'imaginent que tout ce qui arrive dans la vie, et il y a un texte qui le mentionne explicitement. Et on sait très bien que ça, c'est pas la réalité. Hein? Tôt ou tard, ils sont obligés de faire une analogie ou d'avoir recours au qiyas. Même Cheikh Al-Albani, il a mentionné ça, et Ibn Taymiyyah les a réfutés sur ces exemples-là. Donc c'est un madhhab qui rejette le qiyas, et ça c'est une erreur. Al-Zahiriyya. Al-Zahiriyya. Leur imam, c'était Daoud al-Zahiri, et un des savants qui a vraiment eu recours ou qui s'est basé beaucoup sur ce madhab, c'est l'imam Ibn Hazm, al-Andalusi. Ok? Et eux, c'est pour ça que souvent ils ont des positions parfois qui sont. Ils ont parfois des très bonnes positions sur certaines questions parce qu'ils se réfèrent que au texte du Coran et de la Sunna. Donc ils ne vont pas rejeter un dalil ou rejeter une preuve si elle est claire. Donc dans certaines questions, ils ont contredit d'autres madahib, mais ils ont des arguments très forts pour supporter leur position. Et par contre, dans d'autres, eh bien, c'est comme dans tous les autres madahib, ils peuvent se tromper. Hein. Et il dit que la majorité des savants, par contre, considèrent que c'est pas haram. Qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith? Ils ne considèrent pas que si tu le fais, que tu as commis quelque chose qui est haram, mais plutôt que tu as fait quelque chose qui est détestable. Et ils le prennent comme faisant partie des bonnes manières. C'est-à-dire, ils prennent les mentions de qu'est-ce qui est enseigné dans ce hadith-là comme étant des règles de bonne manière ou bon comportement lorsque tu vas aux toilettes. Mais ils ne vont pas considérer ça comme si tu ne le fais pas, que c'est un péché ou que c'est haram. Naam. Donc ça, c'est la divergence en question. Ma yukhazu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Cheikh, il mentionne sept points. Al-awwal, an-nahyu an massid zakari bil-yumna hal al-bawl. C'est-à-dire, premièrement, l'interdiction de toucher aux parties génitales avec la main droite au moment de, yani au moment où quelqu'un urine, au moment où la personne est en train d'uriner. Deuxièmement, النهي عن الاستنجاء باليمنى, c'est-à-dire l'interdiction de se nettoyer, de s'essuyer, que ce soit avec des pierres ou du papier ou de l'eau, de s'essuyer avec la main droite, c'est pas permis. Le point numéro 3, النهي عن التنفس في الإناء, l'interdiction de respirer dans le verre ou dans le contenant dans lequel on boit. Al-Rabi', le quatrième, اجتناب الأشياء القذرة فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. C'est-à-dire d'éviter de toucher aux choses qui sont sales avec la main droite. Et si tu n'as pas le choix d'y toucher, alors que ce soit avec la main gauche. Donc, de ne pas toucher les choses avec la main droite lorsqu'elles sont sales, uniquement avec la main gauche. Et le point numéro 5, بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار. C'est-à-dire l'explication, comme si il y a dans ce hadith, l'explication que la main droite, elle est honorée et qu'elle est qu'elle doit être respectée et qu'elle est mieux que la gauche. Wa al-sadis al-i'tina bil-nadhafati al-'am bil-nadhafati 'amatan la siyama المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلوثها أو تلويثها ضرر في الصحة. Donc le cheikh, il dit comme point numéro 6 de faire attention à garder les choses propres et à rester propres, en particulier les choses qui ont rapport avec qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Parce que lorsque ces choses-là deviennent sales ou polluées, eh bien, ça peut nuire à notre santé dans ce cas-là. Et le point numéro 7, سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار. C'est-à-dire à quel point la charia est yani élevée et comment elle a ordonné yani de quelle façon elle a ordonné tout ce qui est bénéfique et qu'elle a averti contre tout ce qui est nuisible. Non. OK. Donc ça c'est ce qui avait qu'est-ce qui est dit à propos du hadith numéro 15. Maintenant le hadith numéro 16. Na'am. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Il est un peu long hein, ce hadith. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour ce hadith ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis au prochain cours on fera le hadith numéro 16 parce que il est un peu plus long. D'accord. Inch'Allah. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.